franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. La population de Selles-sur-Cher, où nous partons aujourd'hui, Margaret, est relativement âgée. Et oui, le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans, qui est de 32,2%, est en effet supérieur au taux national et au taux départemental, hein, quand même. À Selles-sur-Cher, je sais aussi qu'il y a un certain Boris qui est au bout du fil sans fil, sûrement. Je me trompe, Boris ? Sûr. Vous n'avez pas de téléphone à fil ? Non, c'est mon portable. Voilà, comme quoi je ne me trompais pas. Alors Boris, bonjour d'abord. Bonjour. Bon, d'accord. Alors l'anima, le corporé ou les deux ? Comment ? Mal à la tête ou mal dans la tête ? Ah, j'ai pas du tout le moral. Oh bon, mais pourquoi ? Ah, Selles-sur-Cher, il n'y a pas beaucoup de loisirs peut-être, c'est ça ? Peut-être. Ben, y a le marché, hein, tous les jeudis matins. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'union musicale, le foot. Et puis c'est jumelé quand même. Ouais. Eh ben. Hein ? J'ai plus envie de vivre. Ah ouais. Ah ben. D'accord, alors. Ok. Non, mais vous savez, c'est fréquent, hein, Boris, chez les jeunes et aussi chez les vieux-vieux. D'ailleurs, chez les vieux-vieux, c'est même pas une question d'envie de vivre parce que même ceux qui en ont envie, eh ben, ça s'arrête quand même. Alors, vous voyez ? Moi, je suis jeune. Ouais, mais vous savez, Boris, c'est pas seulement une question d'âge. Et même quand vous serez moins jeune, si ça se trouve, vous continuerez à déprimer. Vous êtes peut-être fabriqué comme ça. Voilà. Et c'est la psychothérapeute qui vous le dit ? Vous avez quel âge ? 20. Et oui, il y a 20 ans, on se sent encore une âme un peu fragile, mais pas si docile. On apprend poliment à contrôler ses impatiences et sa belle insolence, comme nous le chantait la regrettée Laurie Garou. Ah non, mais elle ne l'a pas épousée. Ah bon ? Puis Garou, c'est pas son nom de famille, si ? Ah bon ? Je sais pas, je crois pas. Pourquoi regretter ? Bah parce que je l'aime bien, moi. Ah oui, bon. Et vous, Boris, vous aimez bien Laurie ? Elle est de votre génération, puis elle est joyeuse, elle est heureuse, elle. Alors pourquoi pas vous ? Je sais pas. Ouais, bah c'est dommage, hein, parce qu'on a 20 ans qu'une fois. Bah, c'est pas une bonne période pour moi. Et oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, ce temps-là, accrochait ses lilas. Tout me semble noir sans futur. Oui, mais alors là, pardonnez-moi, mais c'est cartésien, un futur, il y en aura un. Ça, je suis désolé, alors avec ou sans vous, ça c'est à vous de décider, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y aura pas de futur. Non, mais j'ai l'impression que c'est mon futur à moi qui ne va pas exister. Ah oui, oh, mais vous voulez quand même pas mettre fin à vos jours, Boris ? J'y pense, si. C'est pour ça que j'appelle. Oh, mais non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que c'est interdit. Interdit, je fais ce que je veux de ma vie. Bah, dans une certaine mesure. Mais vous fichiez en l'air, ce serait tout fiché en l'air. Et de même que vous n'avez pas décidé de votre naissance, vous ne pouvez pas décider de votre mort. Ouais, mais c'est une parole de croyance. Eh bah, détrompez-vous, puisque les bouddhistes, les musulmans et les juifs disent la même chose. Voilà. Alors, comme quoi, ça n'a rien à voir avec la religion. Ah. Si la vie n'est faite que de souffrance, on a quand même le droit de décider que ça ne vaut pas le coup. C'est un petit peu morbide, tout ça, vous ne trouvez pas, Boris ? Ah, forcément. Ah oui ? Morbide, la mort. La mort, le bide. Le bide, l'échec, hein, Boris ? Mais j'ai pas toujours pensé comme ça. Ouais. Enfin, vous devez quand même avoir une petite nature à broyer du noir, non ? Non, je pense que j'ai vécu des drames qui m'ont fait perdre une certaine légèreté, une forme d'insouciance. Ouais. Quoi comme drame ? J'ai perdu mon frère, ma sœur et mon père dans un accident de voiture. Moi, mon dog a tué un de nos fils et j'ai été obligée de le faire piquer. Et en plus, sa sœur jumelle de notre fils, ça l'a traumatisée et elle est morte aussi. Enfin, en tout cas, à nos yeux, puisqu'elle est devenue un homme et qu'elle va épouser un homme, puisqu'elle est de la jaquette. Enfin, c'est pas un concours. Eh bien, tant mieux pour vous, parce qu'elle aurait gagné. Et vous savez, Boris, il est important d'écouter ceux qui ont vécu. Ils savent que la vie vaut la peine d'être vécue, même quand ça n'en vaut pas la peine. Non, il y a des gens âgés qui ont plein de regrets. Oui, vous voulez avoir un peu raison sur tout et sur des enjeux qui vous dépassent. Alors, un peu d'humilité ne fait pas de mal. C'est prétentieux, je trouve, de penser qu'on a le pouvoir de décider d'arrêter de vivre. J'en ai vu des choses, croyez-moi, oui, Boris. J'en ai déroulé du câble. Quoi ? J'en ai déroulé du câble. Mais comment ça ? Ben oui, mais j'ai roulé ma bosse, figurez-vous. Non, Margaret, c'est pas ça que tu veux dire. Ah si, si, si, oui. Mais je dis ce que je veux et ça ne fait pas de moi une vieille. Non. Et je souhaite à toutes les femmes de dérouler autant de câbles que j'en ai déroulé. Non. Je vous jure, dérouler du câble, ça ne veut pas dire ça. Bah, très bien, alors ça veut dire quoi ? Non, mais laisse, Margaret, c'est pas... Attends. C'est par rapport aux femmes qui ont beaucoup connu d'hommes, quoi. Ah oui, alors quel rapport avec dérouler du câble, franchement ? Margaret, je t'assure. Non, mais laisse, attends, quel rapport, Boris ? Le câble, c'est une image pour le sexe de l'homme. Ça veut dire quand une femme manipule beaucoup de sexe d'homme dans sa vie. Dites donc ! Alors, comment vous parlez de ma femme ? Enfin, dites donc. C'est pas moi, c'est elle. Non, mais laisse-le rire. Monsieur, je trouve juste que pour un suicidaire pervers, vous êtes bien joyeux. Ah ouais, mais vous êtes tellement cons tous les deux que je me dis que la vie peut encore me réserver quelques bonnes rigolades. Allez, salut. Alors, j'ai envie de dire au diable les gros mots. On mord souvent la main qui nous nourrit. Je pense que, voilà, Boris ne sait pas comment nous remercier. Je suis heureuse de lui avoir rendu le sourire. Oui, de toute façon, Amandine Rivière, pour terminer sur une note un peu plus optimiste, nous le rappelle, la vie n'est qu'un long suicide inconscient. Ah, merci Philippe. Au revoir, Yann Chouquet qui s'est occupé de la mise en onde. Oui, merci à lui, merci à vous, merci à toi, Marga, pour ton écoute, ta sincérité et ta disponibilité envers nos auditeurs qui, à travers nous, vont... Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte, c'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.